mix it dans ses blogs connaissez Babine blockem babine gâte somme les invites chachés gâte chan you campé bye mesdames you passé on connaissait champagne débouché voisine comme un yeah oh champagne débouché, what in common, yeah. Oh. Compa, compa. Where till you, we are, we are. Boy, I Canada. Galito, yo, bonjour Gaden, ou bon problème. Façon ma haine, n'a fait ma vie danser là. Bonjour bouger, lâchez vous, mettez-moi sous ça. Façon ma haine, n'a fait ma vie danser là. Oh, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, bon, bon. Oh, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, bon, bon. Bonjour Gaden, ou bon problème. Façon ma haine, n'a fait ma vie danser là. danse la. Bonjour bouge la, chez vous mettez moi sous ça. Façon ma haine, fais ma vie qu'à danse la.